Aïe, ça fait, appelle-moi MC, maître de cérémonie, qui manie le MI0. Soit en texte ou en impro, toi-même tu sais quand je débarque avec mes rimes et mon flow, ça pèse des kilos. Alors viens pas test, viens pas lire la rafale. Donc laisse-moi monter sur scène pour que le baby qu'on raffole. Car je suis en mode soldat incomparable. Mais si tu commences à parler des pères et des mères, ça risque d'être irréparable. Alors si tu fais pas le poids, respecte et reste aimable. Avant je pète un câble. Aïe, t'es qui toi? Vas-y, casse-toi de là avant que je te défouraille. À bout portant, négro, à coup de grenaille. Et tu pourras le constater que dans le DVD versus, que si tu me laisses une ouverture, frérot, c'est direct une grosse patate dans ton plexus. Dans ton plexus. Aïe, ça fait. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Babali show de Speedino, on vient tuer le bis. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Ursa Major qui la bise, on vient tuer le bis. Le bison kill comme dans Kill Bill. Y'a plus de kiff kiff, trop de schizo mec, j'suis à des kilomètres. J'ai taffé mon hardcore jusqu'à l'aurore, tu connais le décor. On vient en confort, on fait nos kilos d'or. Ça vient du 18 Paname, tu sais c'est qui là. On prend du lourd en kilogramme. On crie, on donne ce qu'on a dans le cœur en kilotonnes. Écris nos blazes au fat cap à coup de crilon boy. C'est la crise, enseigne, m'amène. On pense qu'à briser nos chaînes. C'est pour nos potos partis trop tôt, compris des longues peines, putain ce qui nous manque. On fait couler des kilos d'encre, toujours tranquille au mic. On kill, on se barre, y'a plus de tactique. Comme dit Mayday, on voit les kilowatts. On défrait la chronique comme la Dream Team. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Babali show de Speedino, on vient tuer le bis. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Ursa Major qui la bise, on vient tuer le bis. Je suis hardcore sur le beat comme mes potes pour le fric. Postiché en équipe pour Babal, authentique en AD, fécondé. Le peura reste un classique, des impros, des textes pour ceux qui n'ont pas le niveau. Réfléchis bien avant de t'y mettre, tu vas sentir le niveau. Mais j'ai les rimes alcoolisées sur la gueule de mes rivaux. Personne ne peut analyser tout ce qui sort de mon cerveau. Jette un œil, va regarder sans trop tarder. Des impros de ch'tarbé, ça lève les bras sans tarper. Saint-Denis et tous ces quartiers toujours en mode. Ça changera pas sur ma tête comme les dreads de Bob. Décortique ça dans ton hypote comme une bête de prod. Yo, c'est que Zignor, comme à l'époque, frère, on lâche pas. On y croit dur comme fer, comme la barre. Qui ta vache craille, sois sûr qu'on n'invente pas sur les paroles qu'on crachera. Ouais, Major Ursa, Biskila. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Babali show de Speedino, on vient tuer le bis. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Le bison kill comme dans Kill Bill. Ursa Major qui la bise, on vient tuer le bis.